Si l'on en croit Rickert Vale, directeur de l'ingénierie chez Google et futurologue en chef, le fossé qui sépare l'être humain du robot, qui a vocation à faire preuve d'intelligence émotionnelle, à être drôle, à comprendre des blagues, à être sexy, aimant et à comprendre l'émotion humaine, ce fossé devrait être comblé d'ici la fin de la décennie. Et de fait, que manque-t-il à l'intelligence artificielle, outre le fait d'apprendre à repérer des feux tricolores sur des images CAPTCHA ? L'empathie pourrait être une bonne réponse et est un secteur de recherche en plein développement. Comment rendre les machines sensibles ou plus exactement comment leur apprendre à comprendre les émotions et à les restituer à leur interlocuteur. En partie artificielle, des robots amis, c'est le programme synthétique qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour parler de ce champ que l'on nomme également l'informatique émotionnelle, nous avons le plaisir de recevoir deux humaines, enfin jusqu'à preuve du contraire. Bonjour Catherine Pelachaud. Bonjour. Vous pouvez me confirmer que vous êtes bien un être humain ? J'espère. Oui, c'est-à-dire que si vous-même dans votre passion, on rentre dans d'autres formes de considérations qui relèvent peut-être plutôt des chemins de la philosophie que de la méthode scientifique. Absolument. Vous êtes directrice de recherche CNRS à l'Institut des systèmes intelligents et robotiques de Sorbonne Université. Et bonjour à vous, Salima Assas. Bonjour. Bonjour, vous êtes chercheuse en intelligence artificielle au laboratoire d'informatique en images et systèmes d'information et professeure à l'université Claude Bernard Lyon 1. Mais on commence, comme chaque jour, par un tour de l'actualité scientifique avec notre robot algorithme humain. Mais pour combien de temps encore ? Quelle machine pourrait imiter ce rire ? Bonjour Nicolas. Bonjour Natacha Triou, c'est le journal des sciences. Et on commence ce journal avec une étude parue dans la revue Science. Des chercheurs ont imagé des atomes à une résolution record. Les chercheurs de l'université Cornell aux États-Unis ont obtenu l'image ultra précise d'atomes avec une précision subnanométrique. Une précision au picomètre, soit un billionième de mètre. Alors c'est cette même équipe qui avait déjà battu un record en 2018. La résolution de l'image actuelle est deux fois plus grande que celle de 2018. Les chercheurs ont amélioré leur technique et ont obtenu ces résultats grâce à la ptychographie, une technique de microscopie sans lentilles. Ils ont projeté sur un cristal des rayons X, puis ils ont mesuré différentes figures de diffraction, les angles des électrons dispersés par la forme des atomes. Il s'agit ensuite de reconstruire une image à partir des motifs de diffraction. L'image réelle a été reconstituée grâce à des algorithmes complexes, et la résolution est si fine que le seul flou qui apparaît est dû au tremblement thermique des atomes eux-mêmes. Les chercheurs pensent pouvoir améliorer encore cette résolution en refroidissant l'échantillon de façon à ce que les atomes ne vibrent pas longtemps. Alors, localiser les atomes avec une plus grande précision, cela a des implications pour l'imagerie des semi-conducteurs, des catalyseurs et des matériaux quantiques. Et on retrouve cette étude, comme chaque jour, sur notre fil Twitter, @lamethodefc, et plus tard sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et on passe au bref. Hier, la Chine a annoncé la détection du premier cas humain de grippe aviaire H10N3. Oui, le CCDC, le Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies, a fait des analyses génétiques d'un homme de 41 ans, hospitalisé depuis le 23 avril. Il se trouve que ce patient a contracté une souche de grippe aviaire H10N3. Cette souche, identifiée à la fin des années 70, est assez rare chez les oiseaux et elle est plutôt bénigne pour les espèces aviaires. Alors selon le communiqué paru hier, le risque d'une épidémie est extrêmement faible. On ne sait pas quelles sont les circonstances de sa contamination, mais les autorités sanitaires chinoises ont testé l'ensemble de ses cas contacts. Ils n'ont découvert aucun cas supplémentaire. Il n'y aurait pas eu de contamination interhumaine. Et j'en profite pour vous préciser que les idées claires de la semaine s'intéressent précisément aux futures épidémies. Peut-on risquer d'autres épidémies dans les mois, dans les années qui viennent ? On va vous mettre le lien sur le fil Twitter de la méthode scientifique. En bref, toujours Natacha, c'est aujourd'hui le lancement de la première journée mondiale des TCA, les troubles des conduites alimentaires. et anorexie, boulimie, hyperphagie. Plus de 900 000 personnes en France sont touchées par ces troubles des conduites alimentaires. Et parce que plus de la moitié de ces troubles ne sont pas dépistés, la Fédération française anorexie boulimie lance aujourd'hui cette journée de sensibilisation. Partout en France sont organisées des conférences, des animations et de nombreux événements autour des TCA. Bientôt une éclipse du soleil que l'on verra partiellement en Europe et ce sera le 10 juin. Oui, la nouvelle lune du jeudi 10 juin va passer devant le soleil. Si vous avez la chance d'être au Canada, au Groenland et en Sibérie, vous pourrez voir une éclipse annulaire. C'est lorsque la lune laisse apparaître derrière elle un disque lumineux. Et en France, nous pourrons observer pendant plus de 3 minutes une éclipse partielle du soleil. De 11h15 à 13h15 environ, le soleil sera légèrement grignoté par la lune. Un phénomène rare à observer avec de bonnes protections et surtout pas à l'œil nu. Et enfin, selon un rapport des Nations Unies, des drones robots tueurs autonomes ont peut-être déjà été utilisés en Libye. Et pour le moment, il n'existe aucune juridiction sur les drones tueurs. Alors, selon un rapport récent de l'ONU, un drone aurait été utilisé en mars 2020 lors d'une guerre civile en Libye. Le Kargu 2, un petit quadricoptère d'attaque fabriqué par la Turquie. Alors, de façon autonome, sans commande, ce drone traque et cible des humains avant de plonger sur eux et d'exploser. Alors, pour viser, le robot utilise des algorithmes d'apprentissage automatiques dont on ne sait s'ils sont fiables ou non. On ne sait pas non plus si ce drone a fait des victimes. Selon l'ONG Human Rights Watch, il existe de sérieux doutes quant au fait que des armes entièrement autonomes soient capables de respecter les normes du droit international humanitaire. Merci beaucoup Natacha et à demain pour le prochain Journal des Sciences. Tous ces moments se perdront dans le temps comme les larmes dans la pluie. Il est temps de mourir. Faut-il vraiment que je vous rappelle qui prononce cette phrase, dans quel contexte? Et si vous ne l'avez pas, la référence, l'androïde poète Roy Batty à la fin du film Blade Runner de Ridley Scott, incarnation eh bien, du robot, de la machine émotionnelle, poète, métaphysique. Alors certes, on en est encore loin, mais la recherche en informatique émotionnelle est en plein boom. Comment ajouter cette touche supplémentaire aux agents conversationnels, aux robots de service à destination notamment des personnes qui peuvent avoir des problèmes relationnels avec les êtres humains ou pour améliorer les interfaces utilisateurs dans un certain nombre de domaines d'interaction humain-machine. Le robot émotionnel, c'est une vieille ancienne, un vieux fantasme de l'humanité. Écoutez plutôt ce qu'en dit le romancier André Mauroy, nous sommes en 1956. Il n'y a pas le plus petit commencement de conscience. Un robot n'est pas un homme. Villiers de l'Isle-Adam a écrit un beau roman, L'Ève future, dans lequel une femme qui n'était qu'un automate et qui parlait par disque faisait si bien illusion qu'un homme devenait amoureux d'elle. On aura beau nous montrer que les mécanismes du cerveau humain sont l'un après l'autre imités par le cerveau électronique, un abîme continuera de séparer la machine de l'homme. On pourrait réunir en une seule machine tous les moyens de transmission électrique, mécanique, électronique existants sur la planète, et on serait encore bien loin de la complexité du cerveau humain. Nous avons construit des merveilles, mais nous sommes la merveille des merveilles. Voilà, nous sommes la merveille des merveilles, comparativement en tout cas aux machines. Peut-être une réaction, Catherine Pelachaud, à cette archive. Ah, je pense qu'elle est toujours d'actualité. Nous simulons des humains, des comportements humains ou des représentations humaines, mais ce ne sont pas des humains. Donc je pense que l'humain est la merveille des merveilles. Et on est encore loin et on ne veut pas arriver jusqu'à créer des humains. On n'y arrivera pas. Évidemment. Alors, peut-être, néanmoins, c'est intéressant, Salima Assas, parce que avant même l'essor de la robotique, avant même l'essor de ce qu'on appelle et ce dont on va parler tout au long de cette heure, de l'informatique émotionnelle, il y a ce fantasme dans la psyché collective, dans l'imaginaire collectif, du robot qui s'ouvre à l'émotion, comme si c'était finalement peut-être bien la part de la robotique la plus inaccessible ou la plus science-fictionnelle ou la plus putative, en quelque sorte. Je suis tout à fait d'accord, donc je rejoins bien ce qu'a dit Catherine là-dessus. Effectivement, on en est encore loin, mais ça, c'est vrai que cette idée-là, elle est même plus ancienne, comme on a pu le constater sur le petit reportage que nous avez passé, plus ancienne même que l'informatique. C'est des fantasmes. On a toujours, l'humain a toujours été intéressé par recréer l'humain, d'une certaine façon, recréer des formes humaines et pousser sa créativité jusqu'à imaginer, imaginer des créatures artificielles qui miment les humains ou qui reproduisent certains comportements humains ou certaines expressions humaines. Donc ça, c'est un fantasme qui est toujours présent, mais je rejoins les avis qui disent qu'on en est encore très, très, très loin. Même Frankenstein tombe amoureux, c'est dire. Mais on va parler non pas de science-fiction ou de monstres, de la science et de savants fous, on va parler d'un domaine de recherche en pointe, qui est vraiment un domaine de recherche absolument captivant, qui est celui de cette informatique émotionnelle. Alors, qu'on pose les choses de manière très, très claire, Catherine Pelachaud, il n'est évidemment pas question de faire ressentir des émotions aux machines, mais de les interpréter et de les retransmettre, ou en tout cas de les reproduire en quelque sorte. Oui, absolument. Donc l'informatique émotionnelle est apparue dans les années 90. Il y a ce livre vraiment maintenant très connu de Rosalind Picard du MIT qui est apparu en 97. Et c'est l'idée de l'informatique émotionnelle, c'est de prendre en compte les émotions dans l'interaction humain-machine. Et les émotions vont intervenir aussi bien pour chez l'humain, donc reconnaître ses émotions, reconnaître son comportement émotionnel, mais aussi qu'est-ce qui a déclenché ses émotions, donc avoir des modèles cognitifs. De même, la machine doit prendre en compte ces émotions-là, donc avoir un modèle de décision pour savoir quelle émotion montrer, et savoir ensuite les montrer, les simuler verbalement, non-verbalement, avec les expressions du visage, la voix, les gestes, etc. Donc, il y a tous ces aspects-là qui vont être pris en compte dans l'informatique émotionnelle. C'est vraiment un domaine très complexe, parce que la définition des émotions chez l'humain est encore sujet à débat. Donc, il faut le mettre en algorithme, ce qui demande beaucoup de travail encore. On va revenir sur ce que c'est, ce qu'on entend précisément pas par les émotions, parce que pour reproduire quelque chose, encore faut-il être en mesure de le définir concrètement et correctement. Salima Assas, si vous vouliez apporter votre propre définition ou la façon dont vous circonscrivez ce qu'on entend par ce domaine de recherche qu'on appelle l'informatique émotionnelle. C'est un domaine qui, si je me mets dans la situation d'un robot ou même d'un avatar, que le robot il a des capteurs, donc c'est la capacité de recueillir toutes les informations, un ensemble d'informations sur ce qu'on peut appeler l'état émotionnel des individus avec lesquels le robot est en interaction, donc les expressions du visage, des gestes, le ton de la voix. Et donc pour l'ordinateur ou pour le robot qui n'a rien d'autre qu'un ordinateur, ça reste donc des informations qui va combiner pour constituer derrière un état émotionnel, enfin une représentation d'un état dit émotionnel, sachant que ces fameux états émotionnels ont été déjà introduits dans le système, enfin modélisés a priori dans le système, en décrivant. Et à partir de là, comme ça a été dit, donc le robot va prendre une décision de réaction, enfin l'interprétation de cet état-là, et de réagir par l'expression à son tour d'une émotion avec ses capacités, parce qu'on sait que tous les robots n'ont pas les mêmes capacités, donc en bougeant la tête, en faisant un signe de la main, en clignant des yeux, etc. Donc ça reste quelque chose de complètement programmé et complètement simulé. Bien sûr. On va essayer de faire le tour un peu de ce que l'on peut et ne peut pas faire, de ce sur quoi se porte la recherche, parce qu'on comprend bien que tout va dépendre de qui, de la personne à laquelle on s'adresse, du robot dont on parle. Est-ce qu'il s'agit d'un robot physique? Est-ce qu'il s'agit d'un agent conversationnel? Des différentes options d'interaction qu'il y a, un visage, du texte, une voix, peut-être même des membres à toucher. Tout ça est effectivement extrêmement complexe. Et c'est tout aussi complexe que c'est passionnant. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Nous parlons donc d'informatique émotionnelle tout au long de cette heure en compagnie de Catherine Pelachaud et de Salima Assas. Est-ce qu'on pourrait peut-être dire aujourd'hui et peut-être tomber d'accord sur ce qu'on entend, en tout cas dans le domaine de l'informatique émotionnelle, par les émotions? Qu'est-ce qu'on va chercher à catégoriser? Comment on les catégorise? On sait qu'il y a une grille assez simple d'émotions basiques qui sont la joie, la peur, la tristesse, le dégoût. Et puis il y a toute une gamme d'émotions infinies qui sont des émotions entre ces interstices et qui seraient trop longues à qualifier. Donc dans le registre de l'informatique émotionnelle, qu'est-ce qu'on cherche à caractériser comme émotion précisément, Catherine Pelachaud? Alors ça dépend un peu de ce que vous voulez faire, est-ce qui vous intéresse et des modèles théoriques sur lesquels vous vous basez. Parce que c'est vrai, vous avez nommé les 6 émotions de base, mais... Je sais pas, j'en ai nommé 4, il en manque 2. Oui, il manque la peur deux. Et... La peur et la surprise. Et la surprise, voilà, c'est ça. Et le, même le les... Non, j'ai dit le dégoût. Je l'ai dit. Oui. Les psychologues disent, par exemple, certains disent que la surprise n'est pas une émotion. Donc, il y a toujours des débats. Et ensuite, il y a d'autres représentations des émotions. On peut avoir des représentations dimensionnelles, parce que ce qu'on a nommé, là, c'était des labels, des mots. Et puis, il y a des représentations dimensionnelles. Par exemple, la représentation, on peut représenter une émotion sur un axe continu de valence positif-négatif ou de degré d'excitation, peu de degré d'excitation, haut degré d'excitation, ou même de dominance. Est-ce qu'on domine l'événement qui déclenche cette émotion ou pas ? Par exemple, la colère chaude, agressive, va être déterminée, va être représentée par une émotion de valence négative, de haut degré d'excitation, et avec une dominance, on domine l'événement. Enfin, on le perçoit comme tel. Tandis que la peur... ça peut être négatif, haut degré d'excitation, mais on ne domine pas l'événement, on le subit. Donc ça, c'est une autre représentation des émotions. Ensuite... Qui est déjà elle-même soumise à interrogation, parce que est-ce qu'on domine vraiment sa colère ? Est-ce qu'on ne se laisse pas submerger par sa colère ? Ce sont, j'imagine, des conventions qui sont nécessaires pour, effectivement, la caractérisation informatique ? Oui, mais là, vous voyez, c'est une autre chose. Là, lorsque je parlais, c'était au niveau de la perception de l'humain, il va déclencher sa colère, par exemple, se ressentir de la colère, parce qu'il pense qu'il peut montrer de la dominance sur l'événement. Ensuite, il faut avoir la notion de contrôle de son état émotionnel et de ce que l'on va montrer. Et ça, c'est encore prendre en compte le contexte social, et qui est... terriblement compliqué. Dans le contexte social, il y a l'humain, sa personnalité, sa culture, son âge, son rôle, etc. Il y a son environnement, les relations qu'il a avec son environnement. Donc, on va, dans les cas de relations sociales, on va souvent ne pas montrer, ne pas être impulsif et contrôler un peu l'émotion que l'on montre. D'où la complexité du travail sur les émotions. Il y a le ressenti et il y a ce qui est exprimé. Et ce ne sont pas toujours la même chose. Bien sûr. Pardon, allez-y, je vous en prie, Catherine Pellachot, excusez-moi. Non, et il y a une autre manière de voir aussi le travail émotionnel, c'est d'essayer de comprendre ce qui déclenche l'état émotionnel. Par exemple, il y a ces travaux d'évaluation cognitive qui vont voir, par exemple, est-ce que cet événement, il est soudain ou pas ? Est-ce qu'on a contrôle sur cet événement ? Est-ce qu'il correspond à notre sens moral ou pas ? Et il y a plusieurs dimensions sur lesquelles on peut se poser des questions. Et à partir de là, ça va correspondre à certains comportements, d'expression faciale, qui va faire en sorte qu'on va ressentir une émotion ou pas en analysant un événement. Et ça va nous permettre, par exemple, d'une telle théorie, d'essayer de comprendre pourquoi des personnes participant au même événement, le voyant le même événement, vont avoir des réactions différentes. Parce qu'elles vont interpréter cet événement par rapport à leur personnalité, par rapport à leur histoire personnelle, par rapport à leur culture, etc. Et donc, on ne réagit pas toujours de la même manière. Il faut pouvoir le modéliser, il faut pouvoir le comprendre, il faut pouvoir le représenter. Et donc, ces différentes théories nous permettent d'aborder les émotions de différents points de vue. Bien sûr. Mais alors si je puis me permettre pour essayer de formaliser un peu tout cela, là ce que vous décrivez effectivement sont des choses absolument passionnantes qui sont effectivement une tentative de formalisation théorique, mais quand on en arrive finalement à l'informatique et à la robotique, Salima Assas, comment est-ce que on conditionne une intelligence artificielle ou un certain nombre d'algorithmes reliés à des capteurs pour reconnaître cette gamme d'émotions et pour la caractériser. Sur quelle base, quels sont les éléments concrets qui vont être utiles à l'intelligence artificielle pour dire je suis en face de telle émotion et donc si je suis en face de telle émotion, je dois réagir de telle ou telle façon en fonction des paramètres qui me sont donnés et de la mission qui m'est confiée. Je dirais que ça dépendra d'abord de l'objectif de cette intelligence artificielle, comme vous le décrivez. Ça dépendra de ce qu'on veut faire à cette machine-là, du rôle qu'elle a à jouer, Et ça dépendra aussi de ses capacités, parce que, tout, par exemple, si vous prenez les robots, tous les robots n'ont pas toutes les capacités. Actuellement, bon, on peut avoir des capacités de perception, enfin de vision, enfin des caméras, percevoir les expressions faciales, percevoir la posture, le geste, donc ce genre d'éléments. En fonction des capacités de perception et d'action de la machine, hein, j'utiliserai le terme machine de manière générale, et en fonction du besoin que l'on souhaite traiter, adresser, on va pas traiter, on va pas formaliser, on va pas adapter le même modèle cognitif dans la machine, on va pas le modéliser de la même manière. Et voilà, donc c'est spécifique à la situation que l'on traite. Alors peut-être qu'il serait intéressant de prendre des exemples concrets à cet endroit, notamment parlons, et on parlera peut-être à côté d'agents conversationnels ou en tout cas d'avatars ou de choses moins incarnées, mais si on parle en robotique, si on parle de robots de service ou d'accompagnement, c'est-à-dire avec des capteurs visuels, avec des capteurs auditifs, quels sont les éléments, j'aimerais vraiment qu'on arrive à voir des éléments un peu pratiques qui sont utilisés pour définir l'état émotionnel d'un sujet. Catherine Pelachaud. Déjà, on va reconnaître, détecter les contractions musculaires que fait l'humain. Il y a plein d'outils maintenant qui marchent bien pour détecter ces contractions musculaires. À partir de là, on peut aussi détecter, si c'est possible, des informations sur la voix, l'intensité de la voix, son niveau de pitch range, je ne connais pas tellement les... Vous avez un documentaire sur les cams qui vous sera plus précis sur les termes. On va essayer de vous retrouver ça vous poser ça sur le fil Twitter de l'émission. Et puis ensuite, il va y avoir aussi des informations sur l'expressivité corporelle. Là maintenant, les expressions des émotions, on parle souvent des expressions faciales ou des expressions de la voix, mais le corps participe aussi. Donc, et ça, on va pouvoir les caractériser. Il y a des outils pour détecter l'expressivité comportementale de l'humain. D'accord ? Et à partir de ces données, qui sont des données d'analyse de signaux, on peut essayer de les interpréter. Et l'interprétation de ces signaux va devoir tenir compte de qu'est-ce qui potentiellement a déclenché une telle réaction. Donc c'est là où va y avoir des modèles de cognitifs, d'analyse, d'interprétation de ces signaux en prenant en compte le contexte, l'environnement. Donc il y a ces deux aspects-là qu'il faut prendre en compte. Très bien. Mais alors du coup, moi, les questions, je suis désolé, je vous pose peut-être des questions un peu de béotien ou des questions un peu terre à terre, mais je pense effectivement principalement, on discutera tout à l'heure dans la deuxième partie des différentes applications, mais je pense aux robots d'accompagnement. Ça veut dire que il faut universaliser l'expression des émotions, c'est-à-dire de dire que ces robots-là ne sont pas entraînés à reconnaître les émotions d'une personne, mais vont être entraînés à reconnaître ou à trouver des traits qui sont universels à toutes les émotions. Or, il me semble, mais peut-être me trompe-je, Salima Assas, que même s'il peut y avoir une forme d'universalité d'un sourire, de l'expression du plaisir ou de l'expression du déplaisir, mais tout de même, l'expression des émotions sont relativement individuelles et peuvent varier d'une personne à l'autre. Donc, comment est-ce qu'on programme un robot universel entre guillemets pour pouvoir interpréter les émotions de n'importe quelle personne. Très très bonne question. Effectivement, c'est vrai que dans les programmes classiques, j'ai envie de dire, on part sur cette dimension un peu universelle et on pré-programme ce qu'on peut appeler des états émotionnels. Encore une fois, en fonction des capacités du robot, de ce qu'on peut y mettre. Et de plus en plus, là, on s'oriente des approches qui sont, grâce justement au développement en intelligence artificielle, à des algorithmes d'apprentissage en situation. Parce que même, par exemple, pour le côté robot universel, enfin émotion universelle, on faisait de l'apprentissage, mais de l'apprentissage basé sur des classes prédéfinies d'états émotionnels. Et à partir de là, on programme des réactions ou des décisions à faire prendre au robot. Mais de plus en plus, on s'oriente vers des choses qui soient plus dynamiques, c'est-à-dire des algorithmes qui vont apprendre à combiner en situation différentes modalités pour pouvoir percevoir en situation et en fonction de l'individu, la modalité, l'expression émotionnelle représentée, mm-hmm. et pouvoir réagir, apprendre aussi à réagir en fonction de ça, en fonction de cette situation. Je suis tout à fait d'accord qu'on ne réagit pas tous pareil, on a des cultures différentes, on a des attitudes différentes, des expressions différentes, et c'est tout un défi pour le domaine de la robotique sociale et de l'intelligence artificielle qui s'ouvre avec cette problématique-là. Catherine Pellachaud, quel est le degré de détail ou de finesse? Parce que j'ai lu là en préparant l'émission que aujourd'hui il y a certains algorithmes associés à des capteurs qui peuvent détecter des micro-expressions, c'est-à-dire finalement des expressions émotionnelles qui sont presque pas encore conscientisées chez la personne qui les exprime, ce qui est quand même assez fou. Oui, ça on est capable de les détecter. La difficulté, c'est vraiment de les interpréter à chaque fois. Mmh. C'est ça. On revient toujours au même problème. Mmh. Donc, parce qu'on peut, les algorithmes sont vraiment très bons maintenant pour extraire les signaux. Et on arrive toujours à la difficulté d'interprétation de ces signaux. C'est comme a dit Salima, il faut ensuite pouvoir raisonner sur ces signaux. Qu'est-ce qui a déclenché ces signaux et savoir comment après s'y adapter. Mmh. Donc, il y a maintenant des travaux que je connais plus avec les personnages virtuels que pour la robotique, parce que c'est mon domaine de recherche. Mais les expressions des émotions, souvent, il y a longtemps, on les percevait comme elles arrivaient d'un seul coup sur le visage blanc. C'était tout d'un coup, il y avait un événement, tac, on faisait une réaction très, très brève. Alors que dernièrement, avec les outils justement des personnages virtuels, que l'on peut contrôler tous les muscles faciaux de ces agents virtuels, on s'est rendu compte que l'expression des émotions apparaissait sur le visage et qu'au niveau de la perception, d'accord, donc c'est au niveau de l'humain que ce qu'il percevait, il y avait, suivant les cultures, on allait mettre plus ou moins de poids sur les expressions des sourcils ou sur les expressions de la bouche, etc., suivant les émotions. Donc il y a des énormes différences culturelles. Mmh. Des énormes différences culturelles sur la perception des émotions, sur là aussi la génération, il y a parfois des gestes prototypiques des émotions. Et puis après aussi tout ce qu'on avait, j'ai dit tout à l'heure, sur le contrôle de quelle émotion on montre à un moment donné, etc. Mmh. Donc oui, il faut. Et quand on parle d'émotion, il faut toujours regarder ces différents aspects, surtout quand on parle d'interaction humain-machine. Mmh. Allez-y, je vous en prie, pardon, excusez-moi. Non, c'était bon. C'était bon, autant pour moi. C'est intéressant parce qu'évidemment, quand on pense émotion, on pense beaucoup aux expressions faciales, donc à ces fameuses micro-expressions dont on vient de parler. Mais il y a un autre pourvoyeur important d'émotion, et on peut vous en parler d'autant plus à la radio. C'est évidemment la voix, puisque la voix change nettement en fonction de votre état émotionnel. Et c'est principalement et exactement sur cette composante que travaillent des chercheurs de l'IRCAM que vous êtes allés rencontrer. Céline Lozen, bonjour. Bonjour Nicolas. Oui, alors aujourd'hui, on sait très bien faire des voix standards qui sont déployées un peu partout dans les interfaces homme-machine. Un des champs de recherche d'Axel Roebel, qui travaille à l'IRCAM, est de concevoir des voix chargées d'émotions, joie, tristesse ou colère. Les émotions qu'il développe avec ses équipes sont encore assez stéréotypées, mais elles servent de base pour arriver progressivement aux moyens d'intelligence artificielle à nuancer pour les rendre plus humaines. Pour cela, il faut comprendre déjà les paramètres qui caractérisent et font la spécificité d'une voix au niveau biologique. Ensuite, sur la base d'un très grand nombre d'enregistrements vocaux, ils entraînent leur programme pour arriver à associer une émotion, l'assimiler et la reproduire en conservant au mieux une forme de naturel. Dans cette équipe, nous travaillons sur les analyses et synthèses des sons, l'analyse de la musique et la voix. Et donc pour la voix, on a des thématiques qui visent l'analyse et après la transformation surtout, et la synthèse, et aussi bien sûr de l'émotion. Donc essayer de donner à une voix un certain contextualisation, qu'elle réagit à ce qui a été dit, pas seulement avec les mots, mais aussi avec la façon de parler. Parce que quand on parle d'émotion dans la voix, ça renvoie à certains critères comme la prosodie, le timbre, le rythme. Comment vous arrivez à reproduire ça avec vos outils? On a commencé avec ça, je crois, en 2009. On avait essayé de produire un modèle des personnes spécifiques. Donc c'était des acteurs Et donc on avait enregistré des acteurs avec des consignes. Maintenant vous dites cette phrase-là d'une certaine façon. Donc ça peut être calme ou énervé ou joyeuse. Et donc là on a trouvé effectivement les changements de rythme, du timbre, de la hauteur. Du coup, si on peut mesurer les différents paramètres. Après, si on a un modèle qui nous dit, voilà, pour être plus joyeuse, il faut être plus rapide, il faut parler un peu plus haut, peut-être les contours de l'intonation un peu plus prononcés. Donc on peut changer ces éléments-là. Et après, on peut mesurer si quelqu'un d'autre qui l'écoute peut s'apercevoir de cette touche expressive qu'on voulait y mettre. Voilà, donc le modèle dont j'avais parlé, donc la transformation de l'expressivité. Là, on peut écouter des exemples. On va voir comment l'émotion se transforme. Voilà. Donc là, vous avez la voix neutre qui entre. Le nez du personnage s'abaisse au-dessus de sa moustache. Voilà, donc ça, c'est la voix qui entre. Maintenant, on voulait faire la couleur. Et ici, c'est ce qui sort. Le nez du personnage s'abaisse au-dessus de sa moustache. Et ici, c'est la joie. Le nez du personnage s'abaisse au-dessus de sa moustache. Et là, c'est la tristesse. Le nez du personnage s'abaisse au-dessus de sa moustache. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit à quel point le rythme et la hauteur sont très caractéristiques d'une émotion. Oui, tout à fait. Après, le problème là, c'est... D'abord, le premier problème, c'était qu'on a trouvé... que le modèle qu'on a trouvé du coup pour une personne ne marchait pas pour un autre. Donc ça veut dire la façon d'exprimer l'expressivité dépend un peu de la personne, bien évidemment, mais aussi acoustiquement des propriétés de la voix. Pour que ça devienne cohérent, ça doit être un ensemble qui colle ensemble, qui est cohérent. Et par la suite, on a essayé maintenant on a repris les travaux avec d'autres approches qui sont donc basées sur l'apprentissage profond plutôt. Donc on utilise des techniques d'intelligence artificielle basées sur des réseaux de neurones profonds. Comment ça marche concrètement? On utilise, comme vous le disiez, des exemples concrets dont va se servir l'outil pour se performer lui-même? Voilà, donc là, il y a deux éléments. On change les durées, le rythme, on change les hauteurs. En général, si une voix change la hauteur, la voix change de façon complète. Donc, tous les aspects de la voix, ils changent un tout petit peu. Si on change trop la hauteur, sans s'occuper des autres choses qui doivent changer aussi, donc par exemple l'intensité, le timbre, le niveau de bruit, ça devient... Pas naturel. Pas naturel, voilà. Donc personne n'avait pu établir un algorithme qui permettait de changer l'ensemble de façon cohérente. Et c'est ça où les réseaux profonds sont très forts. On peut, à partir d'une certaine représentation de la parole, qui est le spectrogramme MEL, on peut reproduire une voix très naturelle. Le spectrogramme MEL, c'est un peu ce qu'on entre dans l'oreille. Voilà, donc là, vous avez une représentation du signal chanté. Dans ce cas, je peux vous jouer un petit... Donc là, c'est une voix chantée. Voilà. Là, c'était... Vous voyez le vibrato, donc la fréquence anormale qui oscille, donc on peut avoir beaucoup de choses sur ce spectrogramme. Mais les réseaux profonds, ils voient le spectrogramme et ils se disent, ouais, donc quelque chose qui est cohérent pour ce spectrogramme, ce serait ça. Et donc ils peuvent faire des choses cohérentes. Donc ça c'est actuellement une recherche très actuelle. On a des grandes bases avec plusieurs milliers de personnes, des enregistrements de paroles, et on essaye de trouver un algorithme qui permet du coup de faire cette inversion pour tout le monde, avec l'idée, si ça marche pour tout le monde, en gros ça marche toujours, et du coup on peut se concentrer exclusivement sur le spectrogramme mail, on fait toutes les transformations qu'on veut faire sur la parole, une représentation qui est beaucoup plus condensée et perceptivement plus relevante. Et voilà le travail de programmation à l'IRCAM sur les différentes teintes émotionnelles de une voix artificielle dans le cadre évidemment de cette informatique émotionnelle. Une réaction à ce que vous venez d'entendre l'une et l'autre, Catherine Pelachaud? On se rend compte à quel point c'est compliqué. C'est vraiment difficile d'avoir quelque chose de très naturel. Oui, oui, mais Salima Assas. Oui, oui, tout à fait d'accord. On se rend compte à quel point c'est compliqué, mais on se rend compte aussi à quel point l'évolution de l'intelligence artificielle actuellement et notamment le domaine de l'apprentissage profond peut aider à faire avancer ce domaine-là. Peut-être pas, certainement pas pour répondre à toutes les questions, mais il pourrait y avoir des avancées assez spectaculaires à ce niveau-là. On va continuer à s'intéresser à cette informatique émotionnelle. Hein. On va retrouver notre doctorant du jour sur l'aspect programmation, et puis on parlera évidemment de la question des applications. Pourquoi vouloir absolument faire en sorte que les machines, les robots, les interfaces de communication soient des miroirs de nos émotions? On en parle dans un instant. Plains de A.M. Higgins à 16h38 sur France Culture. Nous parlons d'informatique émotionnelle tout au long de cette heure en compagnie de Catherine Pellachaud, qui est directrice de recherche CNRS à l'Institut des systèmes intelligents et robotiques de Sorbonne Université, et Salima Assaz, qui est chercheuse en IA au laboratoire d'informatique en images et systèmes d'information et professeure à l'Université Claude Bernard Lyon 1. Mais comme tous les mercredis à mi-parcours, c'est l'heure de retrouver la recherche montre en main. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Émile Chapuis. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en troisième année de thèse à Télécom Paris, et vous travaillez sur l'apprentissage de représentations distribuées adaptées à la reconnaissance d'émotions dans les dialogues. Bienvenue à la recherche montre en main. On vous écoute, c'est à vous. Bonjour, merci. Bender, robot alcoolique de Futurama, Kit, fidèle compagnon à 4 euros dans K2000, Al, assistant diabolique dans 2001, l'Odyssée de l'espace. Les exemples ne manquent pas lorsqu'on évoque des robots qui parlent. Le système est une source d'inspiration pour l'auteur de science-fiction, il n'en est pas moins pour les acteurs mondiaux de la tech. Siri d'Apple, Alexa d'Amazon et autres Google Assistant sont présents de plus en plus dans nos vies de tous les jours. Si ces derniers se révèlent efficaces pour allumer la télé ou donner la météo, le chemin vers un gendarme et son de poche capable de manier l'art de la conversation semble encore long. S'il fallait choisir une qualité pour le prochain de ces trois PO, elle serait l'empathie. Avant de parler, comprendre. Au quotidien, nous exprimons nos émotions, elles guident notre discours, montrent notre compréhension mutuelle et par là même renforcent les relations sociales. Ainsi, dans ma thèse, nous avons développé des programmes d'intelligence artificielle orientés pour la reconnaissance d'émotions dans les dialogues, ou plus précisément dans les transcriptions de dialogues. Pour ce faire, nous avons recours à des architectures neuronales, aussi appelées réseaux de neurones. Il s'agit en fait d'un ensemble d'unités de calcul effectuant des opérations mathématiques simples, les unes à la suite des autres, permettant ainsi d'obtenir une représentation géométrique du langage. Comme pour le cerveau humain, le cerveau de neurone nécessite un apprentissage aussi appelé entraînement. Chacun des neurones qu'il compose contient un certain nombre de paramètres qu'il convient d'optimiser afin d'effectuer une tâche spécifique. Ici, reconnaître les émotions lors d'une conversation. Voyez alors le réseau de neurones comme un élève vierge de toute connaissance du monde, des normes et du langage. Le professeur chargé de son éducation lui donne des exemples de phrases et de leurs émotions associées. L'élève apprend lentement car il ne connaît rien du langage et après plusieurs milliers d'exemples, il comprend de mieux en mieux comment attribuer une émotion à un nouvel énoncé. Ce processus est appelé entraînement supervisé. Cette étape, in fine nécessaire, est limitée car des exemples d'énoncés libellés avec leurs émotions ne se trouvent pas facilement dans la nature. De plus, dans notre cas, l'élève n'a alors du langage qu'une vision limitée à la tâche qu'il lui est demandé d'accomplir. Qu'a-t-il appris en fin de compte si ce n'est qu'une phrase commençant par « je déteste » est rarement synonyme de joie. Il nous faut une étape supplémentaire que l'on appelle pré-entraînement qui permet de préparer notre étudiant à mieux modéliser le langage. Pour ce faire, notre professeur donne à l'élève une phrase où plusieurs mots sont cachés. Charge à lui de trouver les mots manquants. Ce pré-entraînement est qualifié de non supervisé car il ne nécessite pas que les phrases possèdent une étiquette particulière. Ce faisant, l'élève a à sa disposition un nombre colossal d'exemples au moins autant que de phrases disponibles. De nos jours, les réseaux de neurones les plus performants sont entraînés de cette manière sur des corpus géants comme par exemple Wikipédia avec 5,5 millions d'articles pour 2,5 milliards de mots ou Book Corpus, un recueil de plus de 11 000 livres contenant 800 millions de mots. S'il nous est maintenant possible de représenter mathématiquement un énoncé, il nous apparaît clair que cela ne saurait suffire pour déterminer l'émotion qui lui est associée. Une phrase sortie de son contexte peut être perçue de différentes manières. Ainsi, c'est la connaissance des énoncés précédemment émis qui permet de lever cette ambiguïté. Il nous faut donc prendre en compte la structure du dialogue, qui n'est pas simplement une suite de mots, mais une séquence d'énoncés qui se répondent, eux-mêmes étant une séquence de mots. Nous avons donc modifié l'architecture du réseau pour intégrer cette spécificité. Nous avons également ajouté un exercice supplémentaire lors du pré-entraînement. Certains énoncés d'une conversation sont cachés, et il est demandé à l'élève, donc le réseau, de les retrouver. Enfin, et j'en terminerai par là, un autre défaut des systèmes actuels sont les données de pré-entraînement précédemment évoquées. L'élève apprend à parler ou à comprendre le langage à partir d'articles de Wikipédia ou de romans. Nous avons montré que dans notre cas, il était plus judicieux d'avoir recours à des données adaptées au dialogue parlé via l'utilisation de ce type de film. Merci beaucoup, Amy Chappie, pour cette très très bonne présentation. Une réaction, Catherine Pelachaud, Salima Assas, bientôt. J'aime beaucoup cette image. Je sais pas si elle est effrayante ou amusante d'un gendarme et son de poche. Catherine Pelachaud, je vous laisse réagir. Je sais pas s'il faut le souhaiter ou pas. Je vous laisse juge. Je sais pas, ça dépend de ce que l'on veut. Ça dépend de si on aime s'endormir ou pas. Bref, allons-y, voilà, reprenons le cours. Oui. Donc, ce qu'a dit Émile est tout à fait juste. Hein. C'est vraiment très, très, très important de prendre en compte tout le contexte. Hein. On n'arrive pas à le dire depuis le début de cette émission. Et c'est ça qu'il faut vraiment faire. De l'analyse et la reconnaissance des émotions ne peut se faire que en prenant en compte le contexte dans le dialogue, c'est prendre en compte donc les différentes phrases qui ont été émises jusqu'à présent, c'est prendre en compte les expressions, etc. Et on en revient toujours à ça. Donc c'est complexe, mais c'est vrai que ce sont des sujets que l'on doit aborder de cette manière-là. Salima Assas ? Tout à fait. Oui, tout à fait d'accord, et j'irai même plus loin. Il y a les gens qui travaillent sur les interactions du point de vue des sciences sociales, des sciences humaines, notamment ceux qui travaillent sur l'analyse conversationnelle, ils, de plus en plus, ils disent que chaque interaction est unique. Mmh. Chaque interaction est unique même avec le même interlocuteur. Donc, à partir de ce moment-là, ça donne toute la complexité qu'il faut prendre en compte dans ce type de système, c'est-à-dire faire en sorte que les programmes, enfin les machines que l'on programme, puissent intégrer cet aspect-là et puissent être programmées pour pouvoir réagir à cet aspect-là, ce qui est loin d'être évident. Sur la retranscription des émotions, puisque l'intérêt de ces machines émotionnelles, si on doit les appeler comme ça, c'est d'être en mesure finalement de reproduire une forme d'émotion, de réagir émotionnellement parlant à l'émotion qu'elles ont analysée, pose immédiatement évidemment un problème dont on a longuement parlé. C'est pour ça que j'aimerais qu'on soit relativement bref sur cette question, mais qui est celui de la vallée de l'étrange, c'est-à-dire que évidemment, une machine qui va d'un seul coup se mettre à rire ou à être triste face à quelque chose qui est exprimé par l'agent humain, ça peut faire froid dans le dos, ça peut être extrêmement bizarre et ça peut finalement desservir l'ambition de rapprocher la machine de l'être humain. Quelle est aujourd'hui et quelles sont les solutions qui ont été déployées brièvement, hein, si vous le pouvez, pour franchir cette étape de la vallée de l'étrange que je vais vous laisser d'ailleurs redéfinir si vous le souhaitez, Salima Assas. La vallée de l'étrange telle qu'elle est définie, c'est le fait de faire des machines qui soient de plus en plus ressemblantes ou du moins très très ressemblantes à l'humain, même physiquement. Hein, les Japonais sont spécialistes. D'ailleurs, le concept a été introduit par un Japonais dans les années 70, hein, qui a découvert ces phénomènes-là. Et l'idée, c'est que plus la machine est ressemblante, enfin, si on fait une machine qui soit la plus proche possible de la représentation humaine, que ce soit dans ses réactions, dans son physique, plus les attentes sont grandes. Et du coup, quand on interagit avec ce type de machine, on voit les imperfections. On voit tout de suite les imperfections et ça crée le phénomène inverse. C'est-à-dire qu'on part avec l'idée de créer quelque chose de très très proche de l'humain pour augmenter l'acceptabilité de la machine et on tombe plutôt dans l'effet inverse. Soit ça fait peur, soit au contraire, on est déçu et ça crée une relation de rejet et d'abandon. Voilà ce que j'ai défini. Je trouve qu'un bon maître étalon pour comprendre ce qu'est la vallée de l'étrange, c'est ce robot très très populaire qui s'appelle Sophia, qui est le robot qui a reçu, oui, pour l'anecdote, la nationalité saoudienne et qui est exactement quelque chose comme ça. C'est-à-dire que on voit bien qu'il s'agit d'un robot, que ce n'est pas un être humain, mais sa proximité avec l'être humain rend les choses effectivement étranges et l'interaction extrêmement bizarre et finalement pas du tout naturelle. Donc va finalement à l'encontre de l'intention qui est justement d'abolir finalement la distance qu'il peut y avoir entre l'humain et la machine, Catherine Pelachaud. Oui, absolument. Ça, c'est une difficulté. D'un côté, c'est vrai que technologiquement et ingénieriement, c'est fabuleux et ce sont des vrais défis de créer de tels robots qui ressemblent à l'humain, parce que justement, on peut simuler toute la complexité du comportement humain. Et donc, ça pour pouvoir comprendre, parfois, ça peut être vraiment intéressant d'avoir de tels outils. Ensuite, il faut se poser la question, est-ce que c'est ce genre de représentation que l'on veut dans une interaction humain-machine? Je pense qu'il y a ces deux aspects-là qu'il faut distinguer. D'un côté, c'est un élément de recherche, de l'autre côté, c'est pour une application. Et il y a une chose qui est vraiment terrible, c'est que non seulement la vallée de l'étrange va créer un effet de rejet, ça nous fait des frissons dans le dos, mais aussi ça va nous changer la manière, l'impression que l'on avait de la compétence du robot ou même de son amicabilité. Donc ça c'est pas vraiment bon. Il faut toujours faire attention à maintenir cette adéquation dans le choix du robot pour une ou de l'agent virtuel pour une application, qu'il n'y ait pas d'élimination ou de diminution de la perception que l'on a de cette entité virtuelle ou physique. Mais alors, quelles sont aujourd'hui en robotique, hein, vraiment les solutions qui sont adoptées pour détourner cette problématique de la vallée des tranches? C'est finalement se retourner non pas vers quelque chose d'extrêmement anthropomorphique ou extrêmement proche de l'humain, mais au contraire, trouver des traits juvéniles, utiliser des machines qui ressemblent plus à des petits animaux. Enfin, il y a finalement plein de façons de contourner ce problème, Salima Assas. Tout à fait. Et je reviens à la remarque qu'on avait faite tout à l'heure, ça dépend de l'usage qu'on vise. Et par exemple, il y a ce fameux robot en forme de peluche, hein. C'est un robot social en forme de peluche qui s'appelle le Paro, je crois, qui a été mis à disposition de personnes âgées, en fait. Il est là pour accompagner les personnes âgées, et notamment des personnes âgées atteintes de maladies dégénératives, voilà. Et on a constaté l'effet positif que ça a sur ces personnes-là. C'est un robot qu'on peut caresser, donc c'est un robot qui a une, donc comme une peluche, mais en même temps qui peut exprimer des émotions sur le visage, enfin des cligner des yeux, de secouer légèrement ses ailes. Enfin, donc j'aurais tendance à dire que tout dépend de l'usage. Il y a un autre exemple que j'aime bien, c'est l'exemple d'un robot qui s'appelle Caspar, hein, qui a été utilisé, qui a été développé par une équipe du Royaume-Uni, qui est utilisé dans les hôpitaux pour accompagner le thérapeute dans le soin des personnes, enfin des enfants autistes. Et pareil, donc en termes de capacité, j'ai envie de dire de très émotionnel qu'on a mis au niveau. Donc c'est un robot qui ressemble à un petit gamin avec une casquette, habillé comme un gamin, donc comme un jouet en fait, hein, comme un poupon, et qui reçoit, enfin qu'on peut, il a des capteurs de, il réagit au toucher, il a des réactions par des gestes, des mouvements de tête, des bras. Il peut exprimer aussi cligner des yeux, et ça a été utilisé avec succès dans pas mal de situations de soins, comme un outil en fait. Hein. Enfin, c'est pas l'enfant qui est tout seul, mais comme un outil mis à disposition du thérapeute pour accompagner des enfants, et dont les expériences ont été révélées très intéressantes. On vous met, hein, petit à petit quelques images. On a mis plusieurs. Là, il y a Paro, qui est une sorte de petit bébé phoque tout à fait doux et très très mignon, qui est un robot thérapeutique. On vous a mis aussi la photo d'un robot social qui est très connu, peut-être le plus connu, Pepper, sur notre fil Twitter. Pour conclure, j'aimerais qu'on parle un peu des usages, justement, Salima Assas, ces robots sociaux, très bien, mais pour qui, pourquoi faire, pour remplacer finalement le manque de personnel, d'êtres humains dans certaines institutions. On pense effectivement à l'aide aux personnes âgées ou à certaines personnes en situation de handicap, pour améliorer l'expérience usagée dans certains endroits. Quels sont les usages finalement auxquels on destine ces robots sociaux ? Il y a des usages très généraux, comme par exemple tout ce qui est, notamment avec Pepper, pour l'accueil, hein. Pour des opérations d'accueil dans des gares, d'accueil public. Et il y a aussi des compagnons l'accompagnement de personnes âgées, comme on a cité. Il y en a un certain nombre, notamment les personnes aussi, les enfants qui sont atteints de maladies type autisme, dysfonctionnement cognitif. Hein. Il y a aussi un usage intéressant dans le domaine de l'éducation, de plus en plus dans le domaine de l'éducation, donc les robots d'accompagnement pour faciliter l'enseignement aux enfants, pour le rendre plus attractif et plus ludique. Et aussi l'enseignement, coupler l'éducation des enfants atteints de maladies, comme le robot qui s'appelle Cutie, un robot qui a beaucoup de succès apparemment, ça a même été utilisé en France, si je ne me trompe pas. Expérimenté en France. Et donc voilà les grands usages. Donc ça reste le domaine de la santé, le domaine de l'accompagnement, le domaine ludique, le domaine de l'éducation. Et voilà ce que j'en vois. Et puis tout ce qui est touristique, enfin dans les hôtels en Corée, il y a plein de robots qui vous font des tâches routinières. Bon, enfin ça, c'est pas tout à fait des robots complètement sociaux, mais en tout cas ils sont capables d'interagir avec les humains. Non, mais c'est ce qui est intéressant. Alors peut-être un mot Catherine Pelachot sur les différents usages et sur les questions éthiques que cela pose aussi, parce que évidemment il y a peu des usages qui peuvent être importants, je pense, notamment dans le cadre d'accompagnement de personnes qui ont des troubles de la communication ou qui ont des troubles de la sociabilité. On voit bien l'usage thérapeutique complémentaire, hein, qui n'est évidemment pas un usage seul, mais qui vient compléter d'autres outils thérapeutiques. Et puis, il y a le moment où on commence à demander à ces robots sociaux des choses qui peuvent être éthiquement discutables, comme par exemple l'aide au recrutement en entreprise. Quelle est la limite selon vous ? Oui, vaste question. Il nous reste 4 minutes. Juste pour ajouter, pour compléter les applications, dans le domaine avec les personnages virtuels, il y a tout ce qui est jeu sérieux. Donc, c'est utiliser la technique des jeux vidéo pour l'apprentissage. Donc, comme vous avez dit, hein, ça peut apprendre pour le domaine de la santé ou de l'éducation, pour apprendre, par exemple, à combattre à dépasser une timidité ou à pour aussi reconnaître les expressions faciales, des émotions, etc. Donc, il y a plein de jeux vidéo, de jeux sérieux qui se mettent en place. Au niveau éthique, oui, tout à fait. Il faut faire attention. Je n'ai pas du tout de solution pour l'instant. Je ne pense pas que personne en ait, mais les questions se posent. Jusqu'où on peut aller, jusqu'où on peut faire croire que ces machines ont une intelligence humaine et émotionnelle, jusqu'où on peut faire en sorte qu'une personne crée une relation très forte avec la machine. Ça, c'est, il faut se poser ces questions-là. Il faut surtout, lorsqu'on parle, on met en main ces machines, ces représentations à des personnes en difficulté, à des enfants, à des personnes ayant des troubles émotionnels. Ça, il faut absolument agir là-dessus. Mais de solution miracle, pour l'instant, je n'en ai pas. Alors, de solution miracle, on n'en a pas, mais peut-être que Salima Assas, pour conclure, il y a des garde-fous, parce que nous sommes en 2021, on peut imaginer que cette informatique émotionnelle, elle va tendre à se développer, qu'on va arriver à plus de finesse, et dans l'interprétation et dans la restitution. Est-ce qu'il faut effectivement mettre des garde-fous à l'usage, à la substitution de l'humain par ce type de machine, ou est-ce que vous pensez que ça va se réguler tout seul? Je ne sais pas, je vous laisse conclure sur le sujet. Enfin, j'ai un avis là-dessus qui rejoint un peu ce que disait Catherine. C'est une question bien complexe, hein. Mais c'est vrai que les questions éthiques se posent de manière générale pour tout le domaine de l'IA, hein, pas que pour le robot, mais pour la robotique sociale, enfin pour l'informatique affective. Elle devient encore plus importante, de mon point de vue, dans le domaine de l'informatique affective, parce que ça touche à des choses qui sont encore de l'ordre de l'intime, j'ai envie de dire, les émotions. Et j'ai pas de solution, mais je pense que c'est important que les recherches qui sont menées là intègrent toujours la dimension éthique. Même les législateurs se penchent sur cette question-là de manière plutôt très très sérieuse, quoi. Donc je pense que ces recherches-là, de toutes les façons, ça ne devrait pas être des recherches en technicien, technocrate ou scientifique d'une seule discipline. Ça devrait être des recherches pluridisciplinaires qui intègrent de facto la dimension éthique dans la manière de penser même la techno à déployer au service de l'humanité. Mmh. Donc, ma remarque serait celle-ci. Très bien. Voilà. Catherine Pellachaud, pour conclure, la prochaine étape, l'intégration finalement, peut-être dans des outils du quotidien, on peut penser à nos téléphones, d'une forme, ou dans nos assistants personnels, dans les, je sais pas, les fameuses boîtes auxquelles on peut parler dans notre appartement, d'une détection d'une forme d'émotion, c'est souhaitable, ça n'est pas souhaitable, c'est ce qui va arriver quoi qu'il arrive, en un mot? C'est-à-dire que les émotions font partie de notre vie. Donc, si on met ces outils dans notre vie quotidienne, il va falloir les prendre en compte. Ça, c'est, je pense qu'on va y venir. C'est parce que c'est implicitement, on l'a partout. Ça partout ces émotions. Donc après, il faut savoir comment les utiliser, jusqu'où on doit transmettre ces informations sur notre état émotionnel. C'est ça, c'est la difficulté. Nos téléphones mobiles pourront reconnaître nos émotions, mais à qui appartiennent ces données? À nous ou c'est à d'autres personnes? Donc la question éthique de nouveau se pose par rapport à la gestion des données. Évidemment, ce sera le sujet d'une émission. Excusez-moi, je vous interromps parce qu'on arrive à la fin de cette émission et ce sera une émission à part entière. Hein, si un jour on peut dire dit Google, dit Alexa qui nous répond, je te trouve un peu stressé aujourd'hui, je ne sais pas quels sont les champs du possible que ça ouvre, je ne sais pas si c'est tout à fait souhaitable. On verra. Bref, en tout cas, merci beaucoup à toutes les deux. Merci Catherine Pellachaud, merci Salima Assas d'être venue nous parler d'informatique émotionnelle. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. Céline Lozen, Noémie Naguette Saint-Vulfran, Eve Etienne, Alexandre Morales, Natacha Triou, Antoine Beauchamp, Hélène Triguéros à la réalisation, Élise Le à la technique. Demain, vous avez été tenu en haleine de longues semaines. Nous avions interrompu le voyage à mi-parcours à l'arrivée sur les côtes brésiliennes. Et bien, nous reprendrons l'expédition du Beagle pour la conclure et terminer le tour du globe avec Darwin. Ce sera demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.